Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien Dubut nous livre ses coups de gueule sur la vie culturelle estivale. On aborde les thèmes juridiques avec Maître Lebrun. Et David Ferron se met la langue dans ton oreille. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à cette émission d'Assemblage requis en ce mardi 4 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Bon matin, François. Bon matin, Mathieu. Ça va? Oui, ravi de refaire Assemblage requis avec toi. Ben, il était temps, il était temps. Vraiment. Écoute, j'ai pris l'été vraiment tranquille. Et puis, je reviens en force. Là, le plein d'énergie, le plein d'allergies aussi. Ah, c'est vrai, tu commences à voir ça. Mais tu te soignes pas tant que ça ou... J'essaye à partir d'hier. En fait, là, j'ai pris des petites pilules. Tu fais bien. Essayer de m'en sortir. Je suis là-dessus à l'année longue, moi, des pilules d'allergie. Ah ouais? Et depuis deux jours, j'en ai plus. Fait que ce matin, je les ai ramenés, par exemple. C'est lesquels? Il n'y a pas de marque. Pas de marque, pas de résultat, on verra. Non, un petit peu de résultat. D'accord. Donc, aujourd'hui à l'émission, François, on a un plan chargé à bloc, comme ton nez. Oui, exactement. Écoute, on reçoit un nouveau chroniqueur, une nouvelle personne ici aujourd'hui, avec une toute nouvelle chronique. Ça va être Maître Lebrun qui va nous parler, aujourd'hui, il va nous parler des termes juridiques. C'est une chronique juridique. Oui, c'est ça, exactement. On va parler de plein de choses, des procès, des grands procès qui sont en cours. Il va nous expliquer un peu les droits, ces trucs-là. Ça va être complètement... Disjoncté. Cherche un qualificatif que tout le monde se sert pour rien, tu sais, que ça s'applique pas vraiment. Mais ça va être fort intéressant. Pour vrai, c'est un qui s'appelle... Un expert. Panier à salade. Oui, exactement. Et ça va être le mardi aux alentours de 8h. Exactement. Aussi le mardi à 8h30, on a David Ferron avec ses chroniques La langue dans ton oreille, lui qui animait cette émission-là sur nos ondes l'année passée. Et puis là, il condensait en chronique. Ça, c'est donc à 8h30. Par contre, aujourd'hui, quelqu'un de spécial qu'on a d'habitude le lundi, en fait, qu'on va avoir tout l'automne le lundi, c'est Sébastien Dulude, qui est en studio avec nous et qui va nous faire sa chronique « Va voir, j'y suis », lui qui a faisait d'autres tombes les années passées et qu'on faisait semblant qu'il était là. Ouais, exactement. Il va pouvoir réagir à nos commentaires insignifiants. Formidable. Superbe. On a. Autour de ça, on a aussi un instant classique de la semaine passée. Évidemment, le jeudi de la semaine passée, c'était l'émission que moi j'animais, Assemblage requis l'été. Là. Avec Mme Carignan. Avec Mme Alexandra Carignan, qu'on va recevoir tous les lundis à partir de la semaine prochaine, étant donné qu'il n'y aurait pas d'émission lundi. Hein? On se comprend là-dessus. Et je t'ai aussi monté un petit spécial, François, que tu vas adorer. Toi qui étais un fidèle auditeur tout l'été de la vie de croisière d'Assemblage requis, je t'ai fait les moments les plus importants de l'été. Formidable. On va jouer ça tout à l'heure, mais pour l'instant, en musique, voici Hôtel Morphée et Garde à vous sur le palmarès francophone. Et on revient juste après avec Sébastien Dulude. Bonne émission, bonne rentrée. Puis, etc. François, il veut même pas vous dire bonne. Yes. Ben oui, bonne rentrée. Il est déjà parti, lui, là. Mathieu. Je l'ai vu faire ses semblants. Je ne Life. Je ne veux plus voir ta mixeur. J'ai mis des traits blancs sur mon visage. Je veux être un soldat pour une grande armée sans roi. Une armée sans toi. Une armée de moi. Jouer comme avant. Laisse-moi me rendre. Laisse-moi me vendre. Je ne veux plus faire ta guerre. Je ne veux plus voir ta misère. J'ai mis des traits blancs sur ton visage. Hôtel Morphée, garde à vous, assemblage requis, premier matin, mardi 4 septembre. Confidence hors micro. Quoi, tu veux dire ça en ondes? François, félicitations. Hey, merci, merci, merci. Je vais être papa pour une deuxième fois. Oui. Yes. On parle de mi-décembre ici, là, ouais. Si tout va bien. Charlot, quel âge déjà? Il va avoir 2 ans le 7 octobre. OK, donc c'est la distance pas mal parfaite. Ouais, ça? 2 ans. Deux ans? Ouais. Il tombe dans sa crise de non, et puis l'autre arrive. Sébastien n'a pas l'air sûr. Je sais pas, j'en ai juste un, il est magnifique, j'ai arrêté là. J'ai brisé le moule. Bon. T'as brisé le moule. Ouais. Fini. Superbe. Vous l'avez entendu, Sébastien Dulude, que vous connaissez depuis le début de l'assemblage requis en 2009. Bon matin, les Québécois. Bon matin. Bon matin, bon matin. Je dirais pas ça tout le temps, mais en cette journée spéciale. Oui, journée des élections. Ouais. Bon matin, Québec. Bon matin. Voici Va voir ailleurs, va voir ailleurs, j'y suis. À chaque fois, mais cette fois-ci, je vais le dire comme il faut. Va voir ailleurs, j'y suis. Coupe donc le début de la tourne, normalement. Hein? T'as coupé le début de la tourne. Excellent. Yeah. C'est longtemps que j'ai pas entendu du Lakelaiset. Ouais, c'est quoi ça donc? Ça, c'est un groupe de Humpa. Alors, ils font de la musique bavaroise, de style allemand, mais ils sont norvégiens ou suédois et ils reprennent des classiques. OK. Alors, là, c'était Batman. Ben oui, le célèbre nanananananananana. Voilà. Batman. Mais du Madonna aussi en Humpa. Oh, ouais, ouais. Ah ouais, tout ça. Écœur. Des milliers d'albums insignifiants. Et la calaise. Alors, c'est fun de vous avoir en direct, Monsieur Dulude. Ça me fait le même plaisir, je pense. Peut-être. Ça me manque à un moment donné, la radio. C'est super, la radio. Ouais, et tu vas être avec nous aux 2 semaines. Ouais. pour nous parler un petit peu de ce que tu as écrit dans le journal Zone Campus le plus récent. C'est ça, c'est mon papier deux fois par mois dans Zone Campus où je m'exprime sur la vie culturelle trifluvienne, mauricienne aussi en général, mais surtout à Trois-Rivières. Et avec un petit tour critique, je dirais, parce que on est bon pour se flatter dans le bon sens. Oui, tout à fait. Mais des fois, ça prend un petit réveil. Mais moi, ma première critique va être plutôt... Mollo? Mais positive. J'ai essayé de faire le bilan de l'été. Non, je pense que c'est bon de partir avec les bons coups, de les souligner, mais je manquerai pas de souligner ce qui m'a dit. Bon, genre de détail. Je suis pas inquiet. On se lance. En fait, la thématique cette fois-ci, c'est « Il y a de quoi à faire ». OK. Donc, c'est un été spectaculairement beau qui s'achève et me revoici donc assez fou pour vous livrer mes coups de gueule sur la vie culturelle trifluvienne. Et voici donc le bilan d'une partie de mon été passée dans le coin. Alors que pour ma part, moi, l'été a vraiment commencé le 25 mai dernier. Donc, c'est avec l'événement Caniche Tonic. C'est un incontournable. Ça fait deux fois que ça se passe. C'est une soirée Dance Underground, deuxième édition, à l'atelier Silex. Et cette année encore, la soirée réunissait 6 DJ endiablés avec des noms loufoques, là. DJ Suzanne, DJ Loub, Intergalactique, machin. Il y avait même un DJ en bobette. Et le décor était complètement flyé, là. Il faut comme penser quelque chose comme entre les foufs et un bar branché de Tokyo. Il y avait des drinks à petit prix, plein de beau monde qui danse jusqu'aux petites heures du matin. Alors ça, vraiment, c'est pour moi un incontournable et c'est ce qui amorce l'été à Trois-Rivières. Donc, un conseil l'année prochaine, si vous aimez danser, mais vous aimez pas ça danser genre au temple ou au cabaret, les deux options diamétralement opposées à Trois-Rivières, manquez pas le prochain Caniche, c'est vraiment la place. Mais pour la plupart des citoyens de Trois-Rivières, l'été culturel commence un peu plus tard, genre fin juin, avec le Festivois. Ça, c'est un festival qu'on aime beaucoup critiquer. Il est facile à critiquer, hein. On n'hésite pas au Festivois à hisser Sylvain Pelcha ou Mario Cossette au sommet des affiches. D'ailleurs, les affiches, cette année, avaient une thématique bien particulière. C'était V pour visuel gênant. Je me souviens de cette petite polémique sur leur visuel. Mais il faut rendre au Festivois ce qui appartient au Festivois. Chaque année, il y a quelques perles qui se glissent parmi les mollusques. Coup de cœur, par exemple, pour le show des Frères Lemay, qui était vraiment d'une très, très belle énergie. C'était présenté sur ce que je considère être la plus belle scène extérieure du festival, dans le jardin du CMI. Vraiment une superbe scène. C'est grand. Il y a de l'espace pour mettre 300-400 personnes peut-être dans cette scène-là. Mais ça a l'air quand même intime aussi. C'est ça. Il y a l'intimité. Et généralement, ces concerts-là qui sont présentés, c'est justement plus vers le jazz, des choses tranquilles. Mais quand j'ai vu les Frères Lemay dans cette ambiance-là, avec plein de têtes blanches, mais plein de jeunes aussi qui étaient venus voir le spectacle, et tout le monde debout et vraiment trippé sur la musique des Frères Lemay, je me suis dit, waouh, cet endroit-là, là, il est vraiment magique. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ben, évidemment, on le sait qu'il y a quelque chose à faire, mais jamais voir un spectacle plus dynamique dans cette scène-là. Il y a eu plein de choses présentées là qui ont été fantastiques. Catherine Major, entre autres, ça, c'était incontournable aussi. Donc, l'ambiance, l'autre coup de cœur, je dirais peut-être pour le festival où l'ambiance était vraiment magique, c'était dans le parc des Ursulines je me souviens pas de la scène, SOQ, je crois. Il y avait Stephen Faulkner qui est monté sur scène. Donc, ça, c'est vraiment un de mes grands au Québec. Bien connu pour avoir travaillé, entre autres, avec Plume, mais il y a une carrière à lui, bien à lui, avec un imaginaire bien à lui aussi. Il était visiblement sous le charme de Trois-Rivières, en grande forme. Moi, je l'appelle le troubadour cowboy. C'est vraiment un poète, un gars de l'écriture, mais un cowboy en même temps. Et un gros mot, hein? Un superbe guitariste, franchement, je m'emballe. Il n'y a pas de censure quand on fait du direct. Ouais, bon, on va s'en garder pour des meilleures causes. Donc, il a vraiment été brillant, généreux. Je me souviens de deux commentaires qu'il a adressés à la foule. À un moment donné, il a dit « Waouh, comment tu veux te concentrer quand il y a des paquebots qui passent sur le fleuve? » Parce qu'il lui avait vu sur le fleuve, nous, c'était derrière notre dos. Et on se tourne, et effectivement, le panorama, pour un musicien, tu joues. C'est vrai. T'assis sur un tabouret, t'as ton scotch, puis tu vois ça, puis tu joues tes tunes à 7h le soir. Il fait beau, là. Superbe. Puis à un moment donné, il a dit aussi « Est belle votre ville, aimez-la ». C'est le fun des fois que les artistes nous disent ce genre d'affaires-là parce que la réputation de Trois-Rivières n'est pas toujours extraordinaire à ce niveau-là. Et si on continue au niveau des shows que j'ai vus, le meilleur show que j'ai vu moi cet été, c'est celui du légendaire one-man band rockabilly Bloodshot Bill, vraiment un phénomène. C'était présenté au Rock Café Le Stage le 28 juin dernier, donc c'est vraiment un incroyable performeur. C'est un individu étrange et frénétique. Il nous rappelle vraiment pourquoi le rock'n'roll a terrorisé les parents à son apparition dans les années fin 50, début 60. Il a tout là vraiment du charmeur avec sa dégaine. Il s'arrête pour jouer de la guitare pour se repeigner, mais en même temps, il joue. Comme un fou. Je veux dire, il n'y a absolument rien qui l'empêche de chanter, de jouer de la guitare et de faire son espèce de batterie artisanale en même temps. Donc ça, c'était vraiment le meilleur show que j'ai vu cet été, mais il fallait creuser pour savoir que Bloodshot Bill était ça peut être annoncé. Ben, il y a toujours des réseaux parallèles pour ces choses-là, mais faut se tenir au courant. Mais il faut le souligner d'ailleurs, les efforts du stage qui tentent de revenir dans le milieu comme un lieu important, surtout pour le punk et le metal, mais tout ça reste une des salles de spectacle possibles à Trois-Rivières. Je dirais pas qu'elle est renversante de charme et tout. D'ailleurs, dans le Zone Campus, vous pouvez voir une petite photo qui a été prise le soir du show de Bloodshot Bill. C'est vulgaire, donc soyez avertis d'avant. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des petits malins qui ont changé un peu la pancarte, tu sais, les lettres en avant. On peut faire des jeux de mots cochons des fois avec ça. Et assez basse pour changer ça. Exactement. Donc, c'est pas l'endroit le plus glamour, mais c'est pas le crème, mettons. Mais pour faire des spectacles, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Puis dans le punk, le métal, on aime ça. Oh, ouais, c'est ça. Bien crasse. Puis, bon, il y a juste un choix de bière qui fait bouf. Je sais jamais trop ce qui reste. OK, maintenant, au niveau des arts visuels, c'était plutôt tranquille là, cet été, selon moi, du côté des arts visuels à Trois-Rivières, mais il y avait un événement majeur qui s'est déroulé tout l'été, c'était la 5e Biennale nationale de sculpture contemporaine. Donc, une fois aux deux ans, on a une biennale de sculpture et l'année qui alterne, c'est une biennale d'estampes. Donc, cette année, c'était la sculpture. Et quand on dit sculpture, il faut penser à sculpture contemporaine, donc vraiment tous les arts de l'espace, de l'environnement, donc ça inclut la performance, les installations, l'art public aussi, donc plusieurs facettes à la sculpture, là on élargit vraiment le thème puisqu'on est dans le contemporain, et mon parcours s'est avéré un peu décevant en galerie, donc je suis allé voir toutes les expositions en galerie, il y avait deux attentes très fortes que j'avais avec Raphaël de Groot et Daniel Olson, qui sont bien connus, sont des Montréalais, Montréalaises, et moi je m'attendais beaucoup plus que ça, donc des fois j'ai l'impression peut-être qu'ils ne sont pas donnés à 100% pour la Biennale, ou c'est peut-être une circonstance dans leur travail présentement, ce qu'ils font ne m'a pas tellement touché. Mais il y a d'autres artistes qu'on a pu vraiment apprécier. Il y avait un sculpteur mexicain qui s'appelle Javier Hinojosa, qui avait un travail très rigoureux, presque architectural, qui était vraiment fantastique. Une œuvre à la Galerie d'art du Parc et une œuvre encore plus forte à l'atelier Silex. Et une installation surprenante d'une jeune artiste de Québec qui s'appelle Valérie Potvin, qui a vraiment recouvert toute une salle du centre d'exposition Raymond Lanier d'une espèce de latex blanc, donc comme si tout avait été coulé par du blanc. Donc il y avait plein de petits objets, d'animaux, de toutes sortes de formes, mais c'est vraiment comme fallait rentrer là-dedans en nu-bas puis ou nu-pied, puis c'était vraiment assez déroutant. Pensez blanc, orange mécanique un peu, ces sculptures-là blanches. Mais pour moi, l'exposition qui a retenu vraiment l'attention à la Biennale, c'était Après ce papier. C'est l'artiste multidisciplinaire Alain Florent qui a vraiment éclipsé, à mon sens, toutes les autres propositions de la Biennale. Il a recréé de toutes pièces, et vraiment pas des petites pièces, un authentique garage là, qui fait ding-ding quand on arrive, puis qui sent l'huile, puis le rubber, des pièces de moto, d'auto, une porte de garage qui se lève pour vrai, des gros morceaux de garage, un enseigne Texaco en néon, old school, vintage. Wow. Alors, tu rentres là-dedans et immédiatement, il vient quelque chose de... L'expérience est de l'ordre du souvenir, je sais pas. Pour moi, c'est ça. Ah, ça, c'est des garages. Si tu l'as vécu, Ouais. C'est ça. Mais c'est pas les garages tout aseptisés de maintenant. Ouais, qui sentent rien, là. Qui sentent les chips. Et ça, c'était où? C'était à Presse-Papier. OK. Donc, il a vraiment pris tout l'espace Presse-Papier. Ah, il a dû faire du dégât au mur parce que. Ah, j'imagine. Il a vissé du stock sur ces petits murs-là. C'était vraiment saisissant. Et parmi les événements satellites de la Biennale, donc un paquet d'événements ponctuels autour de la Biennale pendant l'été, il y en a eu plusieurs d'intéressants, de leur performance sur les rues et tout. Mais je retiens surtout l'installation qui est intitulée Pathogène, des sculpteurs Martin Brousseau et Henri Morissette. C'est un duo associé à l'atelier Silex encore. Évidemment, l'atelier Silex a un rôle central avec la sculpture à Trois-Rivières. C'est l'atelier disciplinaire de sculpture de Trois-Rivières. Donc, l'installation Pathogène était présentée au Centre culturel Pauline Julien au Cap-de-la-Madeleine et ils se sont intéressés au thème du vivant. Ils ont créé une serre flottante sur l'étang du derrière. Une serre flotte? Ouais, une grosse serre, là, vraiment, genre 6 pieds par 6 pieds, puis 10 pieds de haut, je sais pas trop quoi, avec... Et ce qui est étrange, c'est que l'étang au parc des Chenaux, là derrière le centre culturel Pauline Julien, était vide lorsque l'installation a commencé. La ville avait procédé à une espèce de réparation de drain, je sais pas trop, donc c'était un peu spécial. Mais tranquillement, l'eau a monté à un moment donné, juste à temps pour le vernissage. Et là, la serre flottait. Forme. Et oui, puis il y a des gens qui l'ont vandalisée à chaque jour. Ouais, parce qu'elle était comme, tu sais, avec une espèce de plastique. Là, c'était pas des murs, là, c'était vraiment du plastique transparent. Puis les gens m'ont envoyé des roches là-dedans, essayer de viser et de percer le plastique. C'est vraiment calme. Non, mais ça fait partie de la... Ouais, c'est sûr, mais en même temps, de l'art, c'est pas là pour être comme vénéré à genoux. Tu sais, ça... Non, c'est sûr, mais tu gâches un peu le plaisir pour les autres. C'est le défi de l'art public, c'est ça. On sait jamais trop comment se positionner. On pourra en revenir là-dessus, c'est un bon sujet. Et l'autre partie de l'installation, c'était à l'intérieur, c'est une espèce d'installation végétale complètement délirante. Là. Des tuyaux, des gouttes, des petites plantes qui poussaient. Tout ça. C'était une espèce de chaos, mais en même temps, c'était magnifique. C'était très intéressant. Donc ça, c'était l'exposition Pathogène qui retenait mon attention de la Biennale. Bon. Le pire de l'été. Si vous me connaissez, vous ne serez pas surpris de mon acharnement à dénoncer la médiocrité des grosses productions qu'on tente de nous fourrer dans la gorge. Hein? Dans la gorge de la populace pour qui la consommation de culture est proportionnelle à la facilité de trouver du parking. Alors moi, ma mention de déshonneur de l'été va évidemment à Testimo, la comédie musicale présentée à la salle Giottoni Thompson, qui est produite aveuglement et à perte pour une deuxième année par la Corporation de développement culturel. Il n'y a personne. Il y a personne. Mais il y a personne. En même temps, tout le monde a vu la publicité, je pense, à la télévision. Ah ouais. Ils choisissent de pas y aller. Mais je pense qu'ils ont compris un peu les gens. Ouais. Ben, c'est comme si il faut un gros show. Donc, on va mettre un gros show. Peu importe quoi. Moi, ça. Tu ramènerais Showtime, toi, ouais. Ben, Showtime, avec 10 ans au minimum, on peut admettre que c'est un show qui avait gagné en grande qualité. Là. Moi, c'est tellement pas mon registre, les comédies musicales. Ouais, mais, ça pogne. C'est, ouais, ça pogne. Relativement ça parlant. Pour Showtime est déménagé à Laval, puis on fait juste une saison. Ils ont été mal conseillés, mais la salle était étrange. Mais on a-tu besoin nécessairement d'un seul gros show? Avec le même budget, on pourrait en faire pas mal plus, à mon avis, différemment. On pourrait... ouais, c'est ça. Gros sujet. Écoute, témoignage par rapport à Testimo. Il y a une dame que je connais, fort gentille, qui m'a fait part de son expérience à Testimo. Elle avait reçu une paire de billets de courtoisie. Donc ça, c'est apparemment, là, c'était le cousin du voisin du chum à une des choristes. Tu peux avoir des billets gratuits. Oh, oui, oui. Vraiment un très bon signe, là, que ça marche bien. Oui, oui, oui. En tout cas. Et elle est arrivée au spectacle avec son chum, elle est toute ouverte d'esprit. Elle est pas nécessairement une fan des comédies musicales populaires, mais vraiment disposée à apprécier ce qu'elle allait voir, entendre. Puis elle et son conjoint ont quitté le spectacle à l'entrée. Oh, elle m'a dit, ça criait. Ça criait. Ça criait. C'est une le femme qui est capable d'écouter. Ça? Non, non, okay, ça chante pas chaud. Okay. Elle est capable d'écouter de la musique qui bouge, ça, c'est pas ça, mais c'est comme sous les couverts d'un divertissement d'envergure, qualité professionnelle, tout ça. On nous passe un show pas subtil, là, juste comme le piton à côté à 10, puis non-stop de succès, succès, succès avec. Aimez ça. Ouais, c'est ça. Une espèce de fourre-tout complètement inconséquent de chansons d'amour qui sont hurlées par une troupe de chanteurs qui, on dirait qu'ils croient que le bigger is better, là, tu sais. Ouais, qu'un bon spectacle, c'est 350 chansons à 1h30 puis des gens qui peuvent tenir une note pendant 15 minutes, là. Ouais. C'est, à un moment donné, ça a pas de bon sens. C'est complètement à vomir. Moi, je suis incapable de tolérer ça. Pour moi, c'est pire que de la musique expérimentale noise ou du speed metal ou name it, là. Moi, de la musique populaire, là, dans le tapis comme ça, là, quelque chose d'horripilant. Ouais. Et je plains les musiciens qui acceptent ces contrats-là. Je sais que c'est difficile comme métier, il faut survivre et tout, mais en même temps, je peux pas vraiment être d'accord avec le choix de participer à ça. À un moment donné, il faut se tourner sur d'autres choses. Il faut boycotter ces choses-là. Franchement, côté marketing aussi, on a pensé quoi avec ce nom-là, là? Testi, là. C'est moi, tellement facile de faire des jeux de mots. Sérieusement, là. Ouais, c'était pour. Testi. Je pense qu'ils voulaient nous les casser, moi, je dis. Moi, à mon avis, on a affaire aux mêmes fins stratèges, là, ceux de la Corpo d'Amphithéâtre, qui ont baptisé la programmation estivale de l'animation dans la rue des Forges. Ils ont baptisé ça Saltaré. Ça suave. Saltaré. Pour vrai. C'est comme si nous recoule Saltaré. Venez voir où passe votre fric. Mais c'est eux autres qui s'occupaient de ça? Non, c'est des petits cousins, ça. La Corpo de l'Amphithéâtre, se sont occupés eux autres de l'animation dans les rues. Moi, ça s'appelait Saltaré. Si vous voulez faire ça, mettons, avec un accent italien, mettons, ça pourrait être genre « Enfoiré de merde ». Ça pourrait être un beau mot. Enfoiré de merde. Je le propose tout de suite à Duvé Lamar. C'est d'italien. Je les appelle. C'est peut-être pour l'année prochaine. Ouais. Ouais, non, j'espère qu'ils me connaissent. Décidément, en tout cas, conclusion, dans cette ville-là, il faut savoir éviter les pièges à cons, chercher plus loin un peu, mais dans mon bilan partiel, sachez que j'ai vu plusieurs belles choses cet été à Trois-Rivières, mais il faut savoir fouiller, donc c'est un peu ce que je voulais témoigner aujourd'hui. Et des fois, on est même surpris du nombre de personnes qu'on trouve dans les petits événements moins publicités, puis les gens sont là, hein, donc c'est vraiment pas, faut pas les prendre pour des cons non plus. Donc je le dis aux organisateurs de spectacles, aux artistes, aux intervenants culturels, sachez-le, à Trois-Rivières, il y a de quoi à faire. Voilà. Génial. Merveilleux, ça. Sébastien Dubé, à toutes les deux semaines, les lundis, à 7h15. Là, aujourd'hui, c'est mardi parce que il n'y a pas d'émission hier. C'est ça, on est en fait du travail. Voilà, donc lundi dans deux semaines. Et sachez aussi, si vous aimez les arts et spectacles, qu'à Assemblage Requis, Alexandra Carignan va aussi être chroniqueuse tous les lundis à 8h30 et va nous faire sa chronique sur l'actualité culturelle qu'elle va couvrir dans le Zone Campus. Donc, on lâche pas le culturel. Hein? Et on peut consulter ta chronique dans le journal Zone Campus. Oui, il y a une photo pour celle-ci, puis lisez ça. Il y a plus de subtilité dans ma plume que dans ma voix. Ouais. Et il y a une photo en plus. Non. Fait trois fois. Oui. Et aussi, quoi? Je pense qu'il y a une photo dessus. Oui, parce que les gens ont besoin de photos. Faut leur mettre ça. Non, c'est absolument faux. Merci, messieurs. Hey, merci beaucoup. Très bonne journée à toi. On est à Assemblage Requis en ce mardi 4 septembre. Il est 7h30. On écoute un petit peu de Metric, François, sur le palmarès anglophone. Hey, nouveau CD de cet été. Oui, le CD qui se nomme Synthetica. Oui. Une critique dans le zone du nouveau Metric. Les gens, ça a l'air d'être... le consensus n'est pas tout à fait positif parce que j'ai vu, c'est très partagé. Ben, c'est un game insolu. Ah, bon. Il dit que c'est un retour à leur... Est-ce que je me trompe de band? Non, c'est Metric. C'est Metric, ouais. Ça se peut fort bien. Moi, en tout cas, vite, là, comme ça, là... Ça ressemble beaucoup trop aux autres. Ah. J'aurais aimé ça, peut-être quelque chose en qui distingue quand t'aimais les anciens, mais c'est la, la recette est bonne, la recette est bonne, on a la preuve, mais... Moi, je suis capable d'apprécier la similarité, autant que... Le... Ouais. Donc, Metric, Youth Without Youth. Bon, c'est fou, 89 FM. François, sa vie change l'été, puis je sais pas, pendant comme 4 mois, il s'est mis à boire du café. Oui. Oui, maintenant, je bois du café. L'année passée, l'année dernière, en fait, je buvais juste du chocolat chaud. Mm-hmm. Pas sûr que c'est une bonne nouvelle, le café. Ben non, c'est ça, là, on dirait que je le regrette. C'est, moi, je pensais que c'était son cœur qui faisait... Non. Mais finalement, c'est son ventre qui fait... ouais, ça ressemble à ça. Ouais. Eh bien, merci. Donc, Sébastien, on écoutait du Metric avec Youth Without Youth et on voulait corriger un petit quelque chose. Oui, j'ai enduit les auditeurs en erreur. Tartiné d'erreur. Parce que, en fait, je mentionnais que Maxime Tanguay avait une nouvelle chronique de 10 dans Zone Campus qui est vraiment excellente, mais c'est sur le nouveau Block Party qui se penche et Baroness aussi. Donc, vous lirez ça, les chroniques 10 de Maxime Tanguay. Oui, c'est dans le numéro qui sort aujourd'hui même Zone Campus. Donc, oui. Chanceux, vous autres. Mais, hein. Et nous, on revient après la pause avec un instant classique. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada. Peter! Oui! Peter, un artiste qu'on aimait bien ici à Assemblage Requis. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Tout à fait. Et ça fait de bien. J'aime ça. Le matin, moi, à tous les jours, hein, ça me dérangerait pas du tout. Donc, la pièce s'appelle Les Chemins étoilés sur l'album, une version améliorée de la tristesse. Oui, exactement. Et ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti, d'ailleurs. Tout frais, tout chaud, tout beau. Tout frais n'est pas la façon de décrire le gars. Là. On dit pas qu'il est frais. Non, tout à fait. Non, il a de l'air bien à sa place. Bien correct de même. Bien correct. François, parlant de gars bien à sa place, c'est toi, ça? Merci. Parce que t'es de retour dans ta propre chaise. Oh oui, exactement. Je m'assis ici devant l'ordinateur qui ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Mais il y a bien des choses qui marchent pas là, cet automne. Ah, c'est correct. Écoute, c'est la rentrée pour tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, pour les gens qui veulent nous rencontrer, hein, Mathieu? Hey, hein, tu parles d'une affaire, toi, rencontrer les deux animateurs, les deux insignifiants du matin. Wow! Hey. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs voir notre photo dans le journal Zone Campus, hein? Oui. D'ailleurs, Mathieu a beaucoup de cheveux. Oui, et moi, j'ai l'air d'un épais. D'un énergumène. Ouais. Exactement. Mais non, on va être au dîner d'accueil des étudiants qui va se dérouler ici au CAPS à partir de midi. Dans ce coin-là, midi moins quart, je pense qu'on va être là à 11h30, nous, mais je pense que ça roule vers midi. Tu voulais nous rencontrer seuls, on a de la place en masse pour vous autres, on a une table toute. Non, en fait, c'est bien, c'est le dîner d'accueil pour les nouveaux étudiants uniquement. Donc, vous êtes nouveaux, vous savez pas où ça se passe au CAPS ce midi. Est-ce qu'il y a encore des petits raps, des affaires exactement, ça? Exactement, c'est santé. Fourni, oui. Oui, c'est fourni, mais c'est pas fourré. Pas amener des sandwichs fourrés, mettons. Ouais, exactement. Il n'y a pas ça. Non. Donc, c'est ça. François, t'es de retour dans ta chaise de co-animateur à Assemblage Requis. Et t'as manqué, j'imagine. En fait, premièrement, je pense que t'as écouté l'émission à chaque semaine pendant les 4 heures. J'ai écouté la plupart des émissions. Parce que cet été, on a fusionné avec les Palmarès C'est Fou, comme on le fait à chaque année. Ouais, exactement. Assemblage Requis, Palmarès C'est Fou égale Loving Style. Ouais. Donc, on a animé la vie de croisière d'Assemblage Requis, moi et Alexandra Carignan. Et pour te remettre au courant, pour que tu saches, parce qu'on a des nouvelles affaires qui sont passées cet été, qui vont avoir lieu cet automne, tu sais, ça continue tout ça. Là. Donc, je vous présente un instant classique. Tu es un instant classique, Voici un résumé de l'été, on appelle ça 72 heures en 8 minutes. Vous êtes bien à la vie de croisière d'Assemblage Requis pour cette semaine du 30 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Raymond-Drainville. Oui, c'est la première édition de la session. Notre retour avec notre grand bateau, le SS Requis. C'est le bateau que C'est Fou nous loue, là, comme ça, et m'envoie la facture à la fin de l'été. Ouais. Jasmine Raymond-Drainville qui va co-animer avec moi tout l'été. On va recevoir tout le temps, toutes les semaines, Simon Fitzbé. Oui. On se rapproche de l'eau pour entendre mieux l'eau et les mouettes et on accueille Simon. Hey! Bonjour Simon Fitté. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Simon, tu nous présentes quelle sorte de chronique cet été? Je sais pas, est-ce que tu varies? Est-ce que t'es dans le... Non, mais j'ai décidé cet été de faire un peu changement de ce que je faisais avec Phénomène parce que, bon, je veux pas, Phénomène, c'est super le fun à faire. Mais, c'était thématique musicale, t'expliquais, tu faisais soit une biographie d'artiste ou des phénomènes musicaux, exactement, c'est des choses comme ça. Et j'ai décidé, en fait, cet été, de tout simplement vous laisser le choix à vous, animateur, co-animatrice, co-animateur, chroniqueur aussi, même quelqu'un du public, si ça y tente d'envoyer un thème. Le pape, s'il veut t'écrire. Oui, demandez-moi de vous expliquer quelque chose et je vais le faire. Maintenant, on va accueillir un nouveau chroniqueur, Mathieu Roy. Attention, intro des plus clichés. Le capitaine et son matelot dépenseront pour eux des trésors d'imagination pour les hériter un peu. Ni gare, ni on, ni salle de bain, pas le moindre confort, et pas non plus de quoi franchement, ni de voiture de sport. Surtout les voitures de sport, moi, qui me manque là-dedans, les voitures de sport. On paye un bateau, mais on ne paye pas de voitures de sport, malheureusement. Donc, Mathieu Roy, on va t'appeler Mathieu Roy, chroniqueur nautique. C'est malade, Mathieu Roy, chroniqueur nautique. Wow. Oui, je suis guide dans une agence de tourisme dans la région de Québec et sur un bateau, le bateau Louis Joliette. Donc, je me suis dit qu'une bonne idée pour l'émission serait de vous donner un peu de vocabulaire, de toponymie, du vocabulaire marin.

Oui, tu vas nous parler de dans le passé, je pense. Dans le passé, oui. Ouais. Je vais vous parler au passé, dans le passé, au présent et au futur, tout dépendant de comment, quel temps de verbe j'ai choisi pour ma chronique cette semaine-là. Incroyable. Ben oui, on a perdu Simon. On a perdu Simon Fitzbay. C'est comme ça. Une grosse perte. Une très grosse perte pour l'émission, mais par contre, il va revenir avec nous aux deux semaines pour nous lire son texte d'opinion dans Zone Campus. Au moins, on l'a pas tout à fait perdu. Mais écoute, on a perdu une coupe aussi. Hein. J'aimerais ça les remercier. D'ailleurs, je vais prendre l'occasion. Xavier, oui. Qui était là le lundi, qui nous parlait de thé. Bref, on boira plus de thé. On va s'ennuyer de son liquide. peut-être, ouais. Xavier, Simon Fitzbay, Stéphanie. Gagné. Stéphanie, oui, Gagné est parti. Kiwan, on n'est pas sûr de l'avoir. Ouais, mm-hmm. Peut-être. Mais on va voir. OK. Kim Bergeron, je crois Kim pas Bergeron. Que ça puisse produire. Donc, une grosse perte, mais bon. C'est ça. Mais c'est des changements d'horaire, des changements de situation, d'emploi, etc. C'est bien normal que ça arrive, mais on exactement. Va gagner des nouveaux de toute façon. Comme, oui, exactement. Comme à chaque session. Et justement, parlant de nouveaux, tantôt, on va parler avec. Est-ce qu'on dit maître? Maître, je pense que oui. À peu près ça, je pense que. On va y demander tantôt. Pour sa chronique juridique, mais avant ça, on écoute une pièce de Biobazar. Voici Dans le champ de Higgs. Au 89 FM, c'est fou dans 11 ans. Bonsoir. Le bazar est dans le champ de Higgs à Assemblage Requis. Et ça, c'est une pièce de son nouvel album Obum Contech. Qui vient de sortir, là, dernièrement. Oui, exactement. Et vous pouvez l'avoir, entre autres, chez Archambault et d'autres magasins comme Renaud-Bray. Renaud-Bray. Et en spectacle, lorsque Danny Janvier fait des spectacles. On vous rappellera les dates une fois de temps en temps, là, je ne sais pas. Et Danny Janvier, d'ailleurs, qui commence son émission ce midi. Oui, entre 11h et 13h, du lundi au jeudi, à partir d'aujourd'hui, mardi 4 septembre. Et nous, on termine cette première heure de l'émission. On revient tantôt. En deuxième heure, qui avons-nous? On reçoit Michel Lebrun, avocat ici, qui va nous parler, en fait, de un peu ce qui se passe dans les médias côté juridique, là. Écoute, ça va être intéressant. Je pense qu'on a plein de questions à lui poser. Exact. On a aussi David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Alors, reste avec nous. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Bon, attends, c'est la deuxième heure de notre émission qui s'appelle Assemblage Requis. Alors, c'est mardi 4 septembre 2012. Il est 8h01. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Si par élimination, mettons, processus ouais, de... Exact. Ça fonctionne bien. Je suis logique quand même, hein? Tout à fait. Moi, tu vois les petits jeux dans le journal? Là? Mettons, Zone Campus, le petit mot croisé, Sudoku, ouais. Là. Moi, non, pas capable. Pas capable, pas non? Capable. Mais ça, par contre, ça, j'étais capable. Fait que... C'est relativement inspirant. Ça veut dire que c'est facile. Donc, deuxième heure d'Assemblage Requis, toujours avec nous deux. Et puis, on a un nouveau chroniqueur sur nos ondes, François. Oui, exactement, qui commence ce matin. Michel Lebrun, avocat, ici, dans le district de Trois-Rivières, en fait. Oui, effectivement. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est bien gentil, c'est bien gentil. Donc, on va te retrouver à chaque semaine ici, le mardi, aux alentours de 8h. Et puis, cette semaine, écoute, on va parler de ce qui se passe un peu dans les médias. Ouais, ben peut-être un peu le but de ce que je cherchais ou à développer avec cette chronique-là, c'était un peu une constatation qu'on fait. Moi, je suis avocat, je fais du droit criminel dans des... je défends des gens qui sont accusés devant la justice criminelle. Ça peut être toutes sortes d'accusations. Ça peut être un arrest-stop qui n'a pas été fait jusqu'à un meurtre. Là. OK. Puis, j'ai beaucoup de collègues. Ça fait quelques années que je fais ça aussi. Mais avec les collègues, on réalise depuis quelques années. Il me semble que quand j'étais plus jeune, il y avait quand même une certaine, je dirais, un certain enthousiasme envers le travail qu'on faisait. Il y a eu un certain respect. Ouais, c'est ça. La Charte des droits qui est arrivée dans les années 80, puis on comprenait un peu pourquoi ça avait été fait. Et il me semble que depuis quelques années, j'appelle ça des fois peut-être, je veux pas nommer de gens en particulier, mais l'effet Martineau, il y a des commentateurs qui ne rapportent plus des nouvelles, particulièrement ce qui concerne la justice criminelle, c'est plus le temps de rapporter des nouvelles que de rendre j'appelle ça une information sentencielle, c'est-à-dire qu'on rend des verdicts, on décide. On exige. C'est un écœurant, puis tu sais, les commentaires sont condamnés d'avance. Oui, puis je pense que ça s'est peut-être un petit peu manifesté de façon vraiment pointue avec l'affaire Turcotte l'an dernier. Puis j'en parlais avec des gens qui sont impliqués dans le système judiciaire, et on essaie de comprendre les réactions qui deviennent de plus en plus hostiles à notre égard, à l'égard des gens qui sont impliqués dans le système. Ça peut être les juges, les policiers, et surtout les gens qui font le travail que moi je fais, c'est-à-dire défendre des gens qui sont accusés d'infractions criminelles. Puis je lisais, en fin de semaine, je cherchais un peu à illustrer un peu ce que je tente de démontrer là, de façon peut-être un peu... ça peut être un peu laborieux, mais j'ai trouvé un article qui avait été écrit par M. Martineau dans son, je pense que c'est dans son blog ou sur le Journal de Montréal, où on disait des choses comme ce que je vais vous lire, par exemple. Guy Turcotte poignarde ses deux enfants pour se venger de sa blonde qu'il a quittée, et il est tenu donc criminellement responsable. Robert Latimer, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Robert Latimer. Non, moi, ça Robert Latimer, qui était celui qui était accusé d'avoir mis fin au jour de sa fille, qui était lourdement handicapée. Ah, et oui, c'était oui. Une forme de... On appelait ça de meurtre par compassion. C'est pas une défense qui existe vraiment dans le droit criminel canadien, mais qui est un problème. C'était un cas qui, effectivement, était très un peu touchant, puis qui avait fait beaucoup les manchettes à l'époque. Donc, lui, il avait empoisonné sa fille, qui était lourdement handicapée. pour lui éviter une vie de souffrance. C'est ce que dit Richard Martineau. Et lui, il a écopé de la prison à vie parce qu'il a été trouvé coupable de meurtre. Il compare un peu les deux. Il compare les deux. Je pense qu'on compare à ce moment-là des pommes et des oranges. Et là, ce qu'il ajoute, il dit « Les experts en justice auront beau tenter de m'expliquer ça en long et en large, en me citant des passages du code criminel, celle-là, je ne la comprends pas. » Et il termine en disant, il parle après ça de l'affaire Robinson. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Claude Robinson qui a poursuivi... Oui. Robinson Crusoe. Exactement, ouais, exactement, qui est une affaire civile, mais un domaine que moi, je connais moins. Puis après ça, il dit, et vous me parlez de justice, arrêtez de prendre de la drogue. Ça, c'est le commentaire de M. Martineau. Et on voit par la suite, j'ai à peu près... Il va dire que c'est du gros bon sens, lui-là, mais c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Là, lui il prétend toujours avoir les pieds à terre, puis que nous... Oh, il... Quand on parle d'experts en justice criminelle, ben ça parle des avocats, des juges. On est vous dans êtes son article discarté parce que, vraiment, avec une démonstration comme celle que M. Martineau vient de faire, que dire de plus? Il n'y a pas de justice. Et après ça, on voit des centaines de commentaires de citoyens qui disent que, bon, les sentences bonbons, puis ça. Ça va jusqu'à, après ça, prévoir. J'ai trouvé d'autres articles en fin de semaine où, par exemple, un verdict comme celui de Turcotte, permet à des gens dans des médias de prévoir que le prochain verdict va être aussi mauvais ou que vraiment il y a vraiment un sentiment généralisé à l'effet qu'il n'y a pas de justice ou que la justice fonctionne tout croche et puis il me semble que c'était pas le cas il y a quelques années. Je le vis dans le quotidien aussi, on rencontre des gens puis les gens ont un peu ces réflexes là, des réflexes de un peu Radio X là, ça monte le ton assez rapidement. Oui, effectivement. Et des réflexes rapides dans le sens où écoute, on connaît pas la preuve, on connaît pas vraiment ce qui s'est passé. On entend ça on l'a vu à première page du journal de Montréal exemple puis tout de suite en fait on a l'idée parce que il mentionne ou quoi que ce soit, que c'est une sentence bonbon puis mais en même temps, écoute, comme tu le sais, tu le fais. Il y a des gens qui travaillent, c'est leur travail. Ben puis... oui, ben c'est ça, effectivement. Puis je regardais un exemple, on a parlé de l'affaire Turcotte, puis on pourrait y revenir, l'année va être longue, mais les gens, il y a eu beaucoup d'émotions autour de ce dossier-là, et c'est normal, évidemment, c'est un crime qui est grave. Mais reste une chose, c'est que M. Turcotte est encore détenu depuis qu'il a commis son crime. La capacité du système judiciaire à traiter d'un cas comme celui de M. Turcotte... C'est plus compliqué que de dire qu'il a été déclaré non criminellement responsable. Ce verdict-là implique qu'il est toujours détenu, qu'il est encore dans un non pas un hôpital psychiatrique, mais une prison avec des facilités psychiatriques, un centre de détention réel. Et puis ça m'a fait rire un petit peu. Ben ça m'a fait rire. C'est pas un dossier pour c'est pas un cas pour rire beaucoup. Mais le lendemain, M. Turcotte passe devant une commission là, qui décide s'il va être mis en liberté à une certaine fréquence, à peu près tous les 6 mois. Puis le lendemain de la décision, qui refusait le fait qu'il soit remis en liberté, mais qui prévoyait qu'il serait peut-être possible qu'éventuellement il puisse bénéficier de sortie. Ben, le Journal de Montréal dénonçait le fait qu'il sortait. Et dans le Journal de Devoir, on lisait que sa liberté avait été refusée. Donc, la même nouvelle, on avait deux nouvelles complètement différentes, puis deux approches qui étaient complètement différentes. Fait que c'est un peu ça qui est un peu ma mission, je le dirais, si je veux. Rétablir ça aussi? Rétablir ça, dans un certain sens. Je trouve que il faut aller au-delà de ce qu'on lit. Je pense que le format que les médias ont adopté, les grands médias, pour traiter de justice criminelle, est un petit peu réducteur. Ça amène les gens à tirer des conclusions, à comparer des choses très, très qui sont difficiles à comparer. Et puis les réseaux sociaux aussi aident beaucoup ça, là, dans le sens facilement. J'ai eu effectivement à me défendre sur les réseaux sociaux, puis j'étais sur Facebook, et puis il y a des gens qui vraiment là, ça, non seulement ça attaque se faire attaquer soi-même, mais attaquer ce qu'on est ou le travail qu'on fait. Les gens n'y croient plus. Là. Beaucoup de gens pensent que tout est corrompu, que les gens. Alors que je suis d'opinion que pas seulement le travail que moi je fais, mais le travail que les policiers font, les travails que les procureurs de la couronne font, que les juges font, c'est un travail qui est difficile. C'est pas parce que ça va bien qu'on se retrouve devant une cour criminelle. Non. Et je pense qu'il y a une façon de traiter de ça qui peut faire la juste part des choses, si je peux prendre l'expression. D'un politicien qui s'appliquait dans un autre cas, qui parlait de juste part, mais c'est pas vraiment c'est pas dans ce sens-là que je voulais te dire. du côté de l'opinion publique, moi, en tout cas, je pense que c'est l'effet un peu les radios sont devenues plus virulentes, les compétitions, les animateurs cherchent plus. C'est plus de l'information, c'est du divertissement. Les gens, c'est ce qu'ils veulent, puis c'est dommage. C'est pour ça qu'on est là, tu sais, pour faire le contraire. Il me semble que quand j'étais jeune, on avait des films, et puis ça se traduit aussi dans la culture ou dans le cinéma. Les gens qui faisaient face à un système, qui se battaient contre le système, tout ça, il y avait une certaine, je dirais, admiration où on pouvait même dans la fiction présenter des gens confrontés à un système qui peut détruire des gens, là. Faire une journée de prison, je sais pas si vous savez ce que c'est quand même quelque chose où se faire passer des menottes, c'est des moments dans la vie qui peuvent détruire des personnes. On a aussi un gouvernement aussi au Canada qui serre la vis, comme on dit, et qui a fait beaucoup de millage au point de vue électoral sur la lutte au crime. En tout cas, on a un sénateur, le sénateur Boisvenu, qui a été nommé et qui est le père d'une victime, qui a vécu quelque chose d'affreux et qui s'est battu toute sa vie contre le système qui avait permis de libérer la personne qui avait tué sa fille. Et c'était très légitime ce qu'il avait à dire. Par contre, il est devenu sénateur et maintenant, il appuie toutes les formes de réforme ou de durcissement qu'il peut y avoir dans les lois. Puis une des lois qui va changer prochainement, puis c'est peut-être une illustration, un exemple de ce qui se passe actuellement ou de l'état d'esprit dans lequel on est. Par exemple, des gens qui font pousser du cannabis. Il y a eu toutes sortes d'approches envers les gens qui produisaient de la drogue. Il y a une criminalité là-dedans qui est différente de la criminalité de la violence ou des gens. Il y a évidemment des organisations criminelles qui se livrent au trafic de stupéfiants, mais il y a aussi des gens qui un peu artisanalement font pousser quelques plants de cannabis et puis qui en vendent à leurs proches. C'est pas la même chose. C'est pas toute la même chose. Et appliquer des sentences identiques pour des cas aussi différents que ceux-là, ça peut créer des résultats catastrophiques. Par exemple, un jeune qui a fait pousser, parce que maintenant, à partir de quelqu'un qui fait pousser plus que 6 plants de cannabis, sera automatiquement condamné à une peine minimale de 6 mois d'emprisonnement. Autrefois, il y avait des alternatives qui pouvaient être envisagées. Par exemple, une jeune personne, on peut avoir un étudiant de l'UQTR, ça peut être un... Oh non, tout à fait! Même ici, ça peut arriver. Pas dans le studio, là. Pas dans le genre. des jeunes, particulièrement des jeunes personnes dans la vingtaine, confrontés au système de justice, je pense que la solution de les envoyer à la prison pour des périodes de temps aussi longues que celle-là, quand on parle de 6 mois d'emprisonnement... Tu déconnectes la société, là. Ben, effectivement, puis tu peux créer un criminel. Selon moi, tu peux prendre quelqu'un qui avait un petit problème au niveau de la consommation de stupéfiants ou qui avait une certaine forme de délinquance et pour survivre dans le milieu carcéral dans lequel il va se retrouver éventuellement, c'est facile de devenir un criminel, d'adopter des modes de vie des gens qui sont, je dirais, classés parmi les gens les plus dangereux de la société. Donc ça, pour moi, je trouve ça dramatique. Je trouve que de prendre que la logique qui a conduit à nommer un sénateur parce que sa fille avait été victime a conduit cette personne-là à appuyer un gouvernement qui pour diverses raisons, voulait gagner de la popularité un peu en disant on va lutter efficacement contre le crime. Ben, je pense que c'est un serpent qui peut finir par se mordre la queue et qui va créer une génération de criminels parce qu'on va envoyer des gens en prison pour des crimes où des solutions différentes auraient sûrement la peur d'aller en prison, par exemple, les effets des mesures de probation, des accompagnements. On avait ce qu'on appelait des sentences à purger dans la collectivité, c'est-à-dire qu'on pouvait condamner quelqu'un à l'emprisonnement, mais plutôt que de l'envoyer dans un milieu carcéral, on l'envoyait dans un milieu, par exemple, faire des travaux communautaires, faire quelque chose de positif, ce qui sauvait énormément d'argent à l'État. Ouais, aussi. D'un côté. Et parce qu'on parle souvent que de garder quelqu'un détenu pendant un an, ça coûte cher, à peu près 50 000 $ c'est une somme d'argent énorme qui peut servir, qui peut être utilisée beaucoup mieux que ça. Dans les années 80, 90, il y avait toutes sortes d'initiatives qui étaient prises dans ce sens-là. On avait, par exemple, les peines d'emprisonnement dans la collectivité. Ça a été une réponse au problème du fait que des gens devenaient plus criminalisés en allant en prison. On abandonne tranquillement. On n'apprend pas nos leçons avec le temps, il me semble. L'histoire se répète. Effectivement, effectivement. Et peut-être que c'est en replongeant un peu dans les principes ou en regardant un peu d'où proviennent tous ces... pourquoi la justice a cette lenteur-là? Pourquoi on entend les accusés avant de les condamner? Il y a des raisons à ça. Et aujourd'hui, c'est des valeurs qui semblent être un peu mis de côté pour une attitude un peu plus de lynchage. Là. On prend quelqu'un, on le condamne dans les médias. Après ça, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour s'en débarrasser ou pour l'envoyer à prison jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Et puis, il y a un exemple qui me revenait en fin de semaine, et quand je pensais à ce dont on pourrait traiter ici, mais après la guerre 1940, la guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945, il y a eu des procès qu'on appelait les procès de Nuremberg, qui étaient les coupables, les gens qui avaient les nazis, là, dans le fond, qui avaient commis des atrocités pendant une longue période, puis c'était en Europe. Les vainqueurs, qui étaient les Américains ou les Alliés avec les Anglais, puis les Russes, ont décidé de faire des procès qu'on appelait les procès de Nuremberg. À la fin de ces procès-là, évidemment, les sentences ont été assez lourdes. Je pense que la plupart des gens ont été condamnés à mort. Par contre, ils ont eu un procès. Et puis, le principe que moi j'apprenais quand j'étais à l'université, c'était que l'idée de faire un procès à des monstres comme ceux-là, c'était de dire on n'est pas des monstres comme eux l'étaient et on n'aura pas leurs victimes n'ont pas eu droit à un procès. Nous, on va montrer qu'on est mieux qu'eux autres et on va leur donner un procès. Aujourd'hui, il se passe quand on regarde la façon dont on a éliminé par exemple Ben Laden ou Saddam Hussein, c'est des gens qui n'ont pas eu droit à et on a applaudi, dans le fond, l'exécution de ces personnes-là sans procès, l'absence de tribune qui leur a été offerte pour expliquer ou pour se défendre, même si c'est indéfendable. On dirait que ça a plus de résonance, que c'est les gens ne sont pas sensibles au fait de ne pas avoir pu entendre ces personnes-là. Et c'est pas sans conséquence non plus, parce que quand on voit toutes les théories de complot qui peuvent exister pour dire « Ah, Ben Laden est-il vraiment mort? » ou « Saddam Hussein était-il l'homme des Américains? » ou des choses comme ça, on voit sur Internet que c'est des idées qui se développent beaucoup. Puis si ces gens-là avaient eu au moins une possibilité de se défendre, ou on avait pu les entendre, ben peut-être que ça aurait pu être... ça pourrait être vu un peu différemment. Et ces raisonnements-là de juger les gens avant, ou d'exécuter les gens avant de les juger, ou qui était la mentalité un peu du Far West. Oh, oui, exactement. Des cow-boys. Exactement. Ben, ça a des conséquences, et on la voit dans un cas comme Ben Laden, mais on le voit aussi ici. Regardez, pendant on en a parlé pendant la campagne électorale un petit peu. Il y a des durcissements dans des lois. Par exemple, quelqu'un qui décide de ne pas conduire, de ne pas prendre son auto en boisson, puis qui considère que pour éviter ce danger-là, ben, ça va se coucher dans son véhicule. Il y a une infraction qu'on appelle la garde et contrôle du véhicule. Et aujourd'hui, les policiers arrêtent quelqu'un qui occupe la place du conducteur, qui dormirait là parce qu'il ne veut pas conduire. Le policier va le sanctionner immédiatement. C'est-à-dire qu'il va lui enlever son permis pour une période de 3 mois. Et la personne ne peut pas se défendre, elle n'a pas le droit de passer devant un juge, elle n'a pas le droit d'aller expliquer ce qu'il y en est. Puis perdre son permis pendant 3 mois, ça peut vouloir dire la fin d'une carrière énormément de personnes. Puis t'as pas le temps de te retourner de bord, tu peux pas en parler à ton employeur, t'arrives le matin, t'as perdu ton travail. C'est fini. C'est fini. C'est ridicule. Et ça se fait dans le poste de police, et la possibilité de pouvoir contester ça est pratiquement nulle. Je l'ai expérimenté pour divers clients. Ça, c'est des jugements qui sont rendus dans des postes de police. La justification qu'on a donnée pour ça, pour condamner des gens avant qu'un juge puisse traiter de ou qu'on puisse débattre de leur point de vue, c'était que le droit de conduire est un privilège. Parce que au point de vue légal, on considère que conduire un véhicule automobile, c'est un privilège. Mais quand on vit dans la société de 2012, je pense que conduire un véhicule, quand on dit que c'est un privilège, il s'agit de demeurer à l'extérieur du centre-ville de Montréal, puis de pas avoir un métro puis un autobus 24 heures sur 24 à portée de la main. Je pense que c'est rendu plus qu'un privilège, c'est rendu essentiel à la vie quotidienne. Des gens qui ont des enfants, qui ont des activités, ont besoin de leur véhicule. Mais aujourd'hui, on est capable de suspendre un permis pour 3 mois sur la décision d'un policier, même si la personne est acquittée ultimement. Ah oui. Ben, revient pas en arrière, lui. Avoir perdu son permis pendant 3 mois. Est-ce qu'il y a des dédommagements? Non, il n'y a pas de dédommagement. Il n'y a aucun dédommagement prévu. Le policier ne se fait pas taper ses doigts, non? Non. Ça a commencé par des sanctions de 15 jours. On disait pratiquement que c'était pour aider la personne à dégriser. Ah oui. Et puis là, ben, on a monté ça à 30 jours. Puis à chaque gouvernement qui change, à chaque nouveau politicien qui arrive, qui veut montrer que c'est important pour lui de se combattre le crime, ben, on pousse encore cette sanction-là, puis maintenant, il est rendu de 90 jours. Priorité dans le mauvais ordre. Exactement, ouais. Exactement. Fait il y a toutes sortes de principes. C'est pas anodin, c'est pas juste achalant, je vous dirais. Pour moi, d'entendre parler des pseudo-experts qui connaissent absolument rien dans tout ce système de justice-là, puis qui n'ont aucun respect pour d'où ça vient puis pourquoi ces règles-là existent. Donc, c'était peut-être un peu ça qui est mon dada ou ce que je veux partager avec vos auditeurs. Ouais. Tu vois, on l'a, l'expert. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et ça fonctionne bien. Écoute, juste l'exemple de Ben Laden, je pense que ça fait penser à pas mal de monde. On pensait pas à ça, mais ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis l'opinion publique, c'est parce que l'opinion publique l'accusait déjà. Tu sais, il était coupable. Écoute, on est influençable pas mal sur les opinions des médias. C'est ça, exactement. Mais j'ai pas vu personne condamner le fait qu'il n'y avait pas eu de procès. Tu sais, puis tu nous fais rappeler, puis c'est bien, je pense. Moi, personnellement, ça m'a toujours un peu achalé. Je pense que je suis assez minoritaire. Parce que quand on. De voir un président américain, puis écoutez, j'ai rien contre le président Obama, puis c'est pas envers lui que j'en ai, parce que ça semble être fait accompli, là, mais de voir que son exécutif, on les photographie en train de regarder live un peu comment... Comme un jeu vidéo. Puis je pense, en fin de semaine, ou là, peu de temps, un soldat américain qui dénonçait un peu ça, qui disait que ça s'est pas passé comme les gens disent que ça s'est passé. Oh, vrai. Donc, La vérité, lorsqu'on la cache ou lorsque on condamne des gens avant d'avoir eu un minimum, d'avoir donné un minimum de chance de s'expliquer ou de donner leur point de vue, je pense que c'est catastrophique à long terme. Oui. Une société régresse un peu lorsqu'elle comprend pas ses valeurs-là. C'est ça. Puis au pire, c'est même une bonne chose pour la personne qui va entendre. Mettons, tu sais, quand il va se défendre, ça va juste renforcer même au pire ton impression de culpabilité envers lui. Mais au moins, il va avoir parlé et eu la chance de se défendre. Ben, ça pourra. Mais ça envoie un signal clair aussi. C'est, on juge pas, on juge devant quelqu'un qui est juste. Mmh. Ouais, puis c'est un peu le parallèle. On dit des principes qui sont éloignés de nous lorsqu'on parle d'une guerre ou lorsque... Mais ça nous rejoint lorsqu'on est rendu à sanctionner des gens. Autrefois, il y a des principes qui veulent, puis c'est des principes qui remontent à très loin, mais lorsque la police, c'est quand même la confrontation avec les forces de l'ordre ou les gens armés, lorsqu'on n'est pas criminalisé soi-même ou qu'on n'a jamais connu ça, c'est traumatisant. Et puis, tout à fait. Lorsqu'on n'a pas la chance... Disons, le principe. Moi, ça fait comme 20 quelques années là, que je fais. Que tu pratiques? C'est ça. Puis quand j'ai vu arriver ces sanctions-là, j'étais comme un peu scandalisé de voir que je peux rien faire pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il vient d'avoir. On prenait des mois à préparer des procès pour essayer de démontrer que quelque chose a été. Que quelqu'un peut être innocent d'une infraction pour laquelle il perdrait éventuellement son permis de conduire. Puis aujourd'hui, on se fait couper les jambes avec le verdict qui est rendu au poste de police. C'est quand même. C'est pas banal. À 4 h du matin, l'agent est fatigué, non, mais tu sais. Oui, ben oui. Bref. Ouais. Mais c'est fascinant tout ça. Moi, j'ai en tout cas hâte à la prochaine chronique. Oh oui, ben oui, tout à fait. Ouais. Mardi prochain, 8 h. Parfait. Génial. J'essaierai d'y être. Oui, tant mieux. Michel Lebrun. Michel Lebrun du cabinet d'avocats. La conseillère Lebrun, à Trois-Rivières. Génial. Parfait. Merci. À la semaine prochaine. Nous, on continue l'assemblage requis. Dans quelques minutes, ce sera David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Mais pour l'instant, une suggestion musicale de Monsieur Lebrun. C'est Galaxy, voici Shanghai. 89 FM, c'est fou. J'aime bien mourir un peu quand je suis avec toi. Au retour, la chronique de David Ferron à Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou. Ça, c'est la version low-fi de l'émission pour ceux qui... Ouais. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Gaslight Anthem et la pièce Handwritten, précédée de 45. On a entendu donc deux extraits de l'album Handwritten. Yeah. Hein, t'es content? Ouais, formidable. Hey, d'ailleurs, Gaslight Anthem qui va être en spectacle le 11 septembre prochain à l'Agora de Québec. Et puis le 12 septembre au Centre Bell avec Rise Against qui est la tête d'affiche là, d'ailleurs. Donc, très bon spectacle. Allez voir ça. Superbe. Dans quelques minutes, David Ferron va faire sa chronique La langue dans ton oreille. Il va nous présenter de la musique. La musique, zic, zic. De la musique. Mais avant ça, on écoute de l'anglophone sur le palmarès. Voici Walk the Moon et Cassidy. À son lad requis, il est 8h36. Chiptune, ça? Non. I must have tumbled out of a plane, 'cause I free fell all year. My shoot is blooming out like spring, and I'm nowhere now but here. When I see your long hair come down, it turned my head inside out, and I want you, I want you. Feet, your blue jeans over in the sand, and we were wrestling in our picnic blanket sheets. When I see your long hair come down, it turned my head inside out. Walk the Moon! Qu'est-ce que c'est, Ya? Oh, tabarouette, hein? C'est un beau tactile, mais on s'est comme tapé dans la main. Clac! Wow! Tape dans le mythe. Tape dans le mythe. Ça veut dire quoi, ça, donc? Tape dans le mythe? Ouais, quelque chose de mythe, là. Une expression avec mythe dedans. Mais comme la mythe de baseball, là. Comme le gars de baseball. Ouais, ouais, c'est ça. Ou les boules à mythe. Boules à mythe. Mais ça, c'est pas ma affaire. Non. Non. David Ferron est arrivé en studio. Bonjour. Hey! Hein, François, tu es de retour. Comment ça va? Est-ce qu'on sent la main comme ça? Là, ben oui. Direct, wow, wow. C'est beau. Moi, je ne sais pas la main, je t'ai vu toute l'été. Non, non, puis ta main est tannée. Là. Ma main est tannée de te... Okay. David Ferron, voici la langue dans ton oreille. Quel accueil. Mais ça. Salut David! Hey, rebonjour! Rebonjour, tu vas toujours aussi bien qu'il y a 30 secondes? Ben, en fait, je vais aussi bien que Richard Martineau qui voit des étudiants en train de boire de la sangria à Outremont. Hey, t'as des références, toi, récentes? Ouais, c'est... Heineken, c'est quoi? Heineken, t'es qui là, pas le temps de niaiser. C'est ça. Okay. C'est récent, les références, c'est ça? Ok, ouais. Ben, j'en suis ma chronique de base, on n'a pas le temps de niaiser. Yeah. Ben, en fait, bonjour messieurs, bonjour chers auditeurs. En fait, je vais expliquer c'est quoi la langue dans ton oreille, pourquoi ça vient de là, parce qu'il faut que je l'explique tout le temps de toute manière, parce que Mathieu, il est pas vite. Pas très, très, non, c'est ça. Et François non plus, fait, je l'explique pour les deux et pour les autres. Là, ça c'est méchant. Ça, c'est méchant. Moi, on le sait déjà. François, c'est méchant. Mais non, j'ai... Non, mais hey, pour sa dernière chronique, écoute, on va lui laisser faire ce qu'il veut. Première dernière chronique. En fait, la langue dans ton oreille, c'est juste la langue francophone dans ton oreille. Parce oreille que... étant le trou où t'entends. Oui, exactement. Le trou où ce qu'on entend. Décrit de même, hein? Ouais. C'est beau. C'est romantique. C'est grandiose. Alors. Donc, de quoi tu me parles ce matin? Ben, aujourd'hui, c'est les élections. J'espère que vous allez voter. C'est vrai. Ben oui. On invite les gens à aller voter. C'est important. Oui, je vous invite, vous, François. Personnellement? Et toi. Oui. Tu nous invites personnellement à aller voter? Ben, pas personnellement, non? Mais c'est une œuvre collective. Allez voter, vite, vite. T'avais le congé hier, puis là, cet après-midi, tu prends un congé pour aller voter aussi. Fait que c'est le fun, belle petite semaine, tu sais. Ben, c'est bien. J'aurais aimé ça que les bureaux soient ouverts pendant deux jours. C'est sûr que, bon, tu vas me dire que le vote par anticipation, mais bon, ouais. C'est ça. Ça fait pas partie de la chronique non plus, mais bien. Mais légalement, tu as le droit de prendre 4 heures de congé de ton travail pour aller voter. Ouais, mm-hmm. Mais ça dépend là. Si tu fais du 8 à 5, t'as quand même 4 heures d'ouvert, là, de 5 à 9. Là. Ouais, supposé, là. Bref, je connais pas trop la loi, mais pourquoi je parle des élections? Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de chanteurs politisés. Oh! Qui font de la politique. Yeah, intéressant. Et je vais vous en présenter 3. Okay. D'abord, je vais vous en présenter tout de suite 2. Tiens. D'abord, Mélina Mercouri. Qui est Madame Mercouri? Ben, d'abord, Madame Mercouri baigne dès l'enfance dans un entourage impliqué en politique parce que son grand-père était maire d'Athènes, parce qu'en fait, Mélina Mercouri est grecque d'origine et son père est député. Mais par contre, Mélina ne commence pas tout de suite sa carrière politique. Elle commence plutôt sa carrière professionnelle en théâtre avant de se tourner vers le cinéma. Son film le plus marquant, Jamais le dimanche, réalisé par son futur mari, Jules Dassin, lui permet d'obtenir un prix à Cannes et une nomination aux Oscars. Pas Joe, là. Dassin. Non, là. Jules. Jules Dassin. Okay. Oui, Jew. Et Jew. Pour les intimes. Il y avait Joe et Jew. Okay. Donc, ensuite, une fois qu'elle a fait du cinéma, que ça semble bien aller pour elle, là, le gouvernement grec chute en 1974 et c'est un gouvernement dictatorial. Alors là, oui, ça allait pas bien. Donc, Mélina Mercouri revient en Grèce et décide de faire de la politique. D'abord, elle devient députée et ensuite ministre de la Culture, laquelle semble faire une meilleure job que Christine Saint-Pierre. Whoops! Ah, OK. Oui, je viens de comprendre. Oh. Mais, hein, c'est bas, ça. Ah, c'est méchant. Je suis donc bien méchant aujourd'hui. OK, ben comme d'habitude, mais bon. T'as pas la langue dans ta poche et dans ton oreille? Oui! Oh! Et en fait, ce qu'elle a fait comme ministre, Mme Mercouri, ben d'abord, ce qu'elle a fait surtout, sa grande œuvre, c'est qu'avec le ministre de la Culture française de l'époque, Jacques Lenk, en fait, Mercouri a instauré le principe de la capitale culturelle européenne. C'est quoi? C'est qu'à chaque année, en Europe, il y a une capitale culturelle. Ouais. Un peu comme Trois-Rivières, l'été, là, quoi, à 2-3 ans? Je sais pas. Ouais, je pense. La capitale canadienne. Ouais, la capitale canadienne de la culture, je pense que c'était pour le 375e. Ouais, sûrement. Tout s'est passé, là, ouais, à cette date-là. Et après ça, le calme total. Ouais. Et là, c'est ça. Fait que là, grâce à ça, c'est que ça permet. C'était quoi le but, en fait, de cette mesure? C'est que tous les Européens puissent se rapprocher en s'initiant à la culture des Européens. Par exemple, que les Parisiens s'intéressent à ce qui se passe à Londres, que les Ukrainiens s'intéressent... en fait, je sais même pas si l'Ukraine est dans l'Union Européenne, mais en tout cas, par exemple, que les Grecs s'intéressent à ce que les Parisiens font. Là. Oui. Fait que ça, c'était vraiment le but. Et la chanson que je vais vous diffuser tout à l'heure, ça s'appelle « Les enfants de Pirée », qui était dans, justement, qui est une chanson de la trame sonore du film « Jamais le dimanche ». Et là, on va pas entendre la version originale chantée par Mme Mercouri, mais une version qui torche de la part du chanteur français Dominique A. Parfait. Et maintenant, je vais vous parler de Youssou N'Dour. Qui est Youssou N'Dour? Ben d'abord, sa mère, c'est une griotte. Qu'est-ce qu'une griotte? C'est que dans les pays de l'Afrique francophone de l'Ouest, par exemple Sénégal, Mali, un griotte, c'est une espèce de troubadour qui va chanter, qui va réciter des poèmes ou des complaintes. Il peut soit faire des poèmes ou des chants. Et en fait, un griot, c'est ça. Puis il y a vraiment un caste social de griot. T'es sûr que c'est pas une bébite? Non. Ça ressemble, hein? Ça ressemble à un griot. Non, c'est vraiment un nom. Ça se pourrait qu'un griot, ça soit une bébite aussi, mais griot dans le sens... Ou un griotte. Peut-être que je le prononce mal. C'est pas... C'est peut-être griotte. C'est peut-être griotte. Non, c'est espagnol, ça, je trouve. Ouais. Italien. Mais t'es tellement cute en italien. T'es fin. Toi, t'es, quand tu fais un accent, t'as l'air africain. Ah, Référence, la vie de croisière d'assemblage requis, jeudi passé. Et je mettrai les meilleurs moments pour François demain. Ah, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour François? Mm-hmm. Alors, pour retourner à Youssou N'Dour, c'est ça. Fait que là, il est initié dans la culture musicale dès son enfance grâce à sa mère. Et là, dans les années 80, il commence à avoir une carrière internationale en collaborant avec notamment Paul Simon et Peter Gabriel. Oh. Donc, on voit que c'est vraiment pas un deux de pique. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui va le faire connaître du grand public? C'est son grand hit Seven Seconds, qui chante en collaboration avec Nene Cherry, qui tourna encore à la radio commerciale même 20 ans après sa sortie. Là. Ça a été un énorme hit. Donc, top 10 aux États-Unis également. Et là, depuis, il continue une carrière parallèle de chanteur, de musicien. Par exemple, en tant que musicien, il a composé la trame sonore de Kirikou et la sorcière. Si vous n'avez pas vu ce film-là, Kirikou et la sorcière, allez le voir. C'est bon? C'est excellent. Oh oui. C'est magique, ça parle en fait. C'est vieux? Ça date ou? Ben, une dizaine d'années. Okay. Mais c'est des bonhommes, en fait. Okay. Mais c'est tellement bien fait. Il y a tellement de métaphores. Il y a tellement un beau message là-dedans. On est ému. Ému. Oui. Ému. Ému. Ému, c'est un animal, ça? Oui, un animal. Oui, oui. On pleure comme des petits animaux. Ouais. Des animaux. Oui, exactement. Donc là, en 2012, il décide de faire un hiatus sur sa carrière musicale en se lançant en politique, en voulant être président du Sénégal. Oh, quand même, hein? Oui. L'ambition était là? Ah oui, très ambitieux, sauf que là, le petit problème, c'est qu'on refuse sa candidature. Pourquoi? Ah non. Ben, en fait, j'ai pas trouvé la raison, mais soit qu'il avait pas trouvé le nombre de personnes, soit que ça a été invalidé pour... Il y a plusieurs raisons pour... Mais c'est une bonne question. Faudrait que je vérifie le pourquoi de la chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont dit « Allez, quitte la Sénégal! » Allez, allez. Quitte la Sénégal. Ah? Sénégal. Oh! Sénégal. Comme Wyclef Jean, d'ailleurs, avait été refusé pour... Ben, lui, c'est parce qu'il habitait Haïti. Pas... C'est ça, c'est que c'était pas un citoyen haïtien, je pense. C'était pour ça. C'est une question de citoyenneté, puis au niveau de la langue aussi. Puis il y avait des raisons culturelles et civique là-dedans, je crois. Ouais. Mais pour Youssour Ndo, c'est un petit peu plus douteux. C'est nébuleux comme raison. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais là, il est refusé. Par contre, le nouveau président, c'est-à-dire le nouveau président, on lui donne une chance. Qui est le nouveau président? C'est Macky Sall, j'ai retrouvé. C'est Macky Sall qui est le nouveau président. C'est ça, c'est pas une sorte de sushi, ça? Oui, après les insectes, les sushis. Les Macky Sall, il me semble. Ah! Il y a Makita qui ressemble beaucoup à les outils. Peut-être ça. Excuse-nous, David. C'est pas le matin, t'es excité, tu sais. Oui. T'es excité, Macky Sall, vas-y. C'est vrai que je suis excitant. Oui, pas mal, c'est ça. Alors, crois ça. Macky Sall, c'est le nouveau président du Sénégal, mais prix de consolation pour Youssou Ndour. Il devient ministre de la Culture et du Tourisme. OK, quand même. Oui. Ministre. C'est un beau prix de consolation. Donc, on va écouter également une chanson de Youssou Ndour qui s'appelle Survie, tirée de l'album Dakar Kingston, sorti en 2010. On débute avec Dominique A et les enfants du Piré. Et dernier jeu de mots, il aurait dû être nommé ministre de l'Intérieur, Ndour, parce que Ndour. Ndour, c'est-à-dire intérieur. Oh. En anglais. Ndour. Sans commentaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il reste rien que 20 minutes. 10 minutes. 10. Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Dans le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde. Que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime, sous leurs bonnets oranges, tous les visages d'anges, des enfants du Piré. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde. Que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime, sous leurs bonnets anges, tous les visages d'anges, des enfants du Piré. déjà vivre, leurs moyens trop limités. Quand les chances rarifient et que perdu ils te font signe, faut s'épuiser. Pas loin de chez toi, on se bat pour travailler. Y'a les tout petits qui errent à l'aventure dans les rues, tous désœuvrés. Ce que je dis, tout le monde le sait, non? On le dit depuis des années, non? On voudrait arrêter d'en parler, mais où est la solidarité et cette fraternité? Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ah-ah-ah-ah. Chalina, chalina, wona. Tu te payes ton luxe sur le dos des gens au soleil. Tu sembles avoir oublié ton devoir de partager. Garde au réveil. Tu te dis heureux, ta belle vie bien programmée. Tu t'ennuies dans ta piscine, tu vois jamais ta cuisine. Tu es blindé. Je dis tout le monde le sait, non? On le dit depuis des années, non? On voudrait arrêter d'en parler, mais où est la solidarité et cette fraternité? Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Chamina, chamina, wona. J'ai pas les yeux dans les poches. Je vois le pauvre et le riche, l'un qui trime et l'autre qui triche. Je trouve ça moche. Je trouve ça moche. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ah, ah, ah. Chanina, chanina. Bon, François, tu l'as là. Il chante bien, François. Oui, hein? C'est charmant. En fait, nous venons tout juste d'entendre Youssou Indour avec la chanson Survie, précédée de Dominique A et de sa reprise de Les Enfants de Pirée. Maintenant, je vais vous présenter Martin Léon. Et pourquoi je vous présente Martin Léon en politique? Eh bien, d'abord, qui est Martin Léon? Tout le monde sait, le chanteur, auteur-compositeur qui, notamment, est fait partie des 12 hommes rapaillés. Mm-hmm. Hommage à Gaston Miron. Mais aussi, il a lancé un parti politique qui s'appelle... Oui? Oui. Ah ouais? Oui, à la fin 2011, et c'est pour ça que je vous en parle, il a lancé, en fait, l'Alliance et solidarité entre générations. Et le but du parti, c'est que, selon Martin, il souhaiterait, en fait, selon Monsieur Léon, il souhaiterait que les artistes puissent se prononcer à travers ce parti-là et voudrait également réunir les générations ensemble et laisser une voix publique pour ces personnes-là parce qu'il trouve que les partis qui sont en place... Laissent pas assez de place. Là, on parle ici du provincial ou du fédéral? Provincial. Provincial, OK. Donc, il trouvait, par exemple, que les partis politiques ne représentaient pas assez la voix de la population et qu'on... Ben, pas qu'on se foutait, mais qu'on se souciait peu de la voix communautaire, de la voix sociétale et que tout était trop dirigé par le politique. Donc, il a décidé de fonder l'Alliance et solidarité entre générations. Par contre, j'ai essayé de chercher sur le site du DGE et j'ai pas trouvé ce parti politique-là. Donc, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ce parti-là. Puis, j'ai pas entendu parler de personne qui s'est présenté. Non, rien du tout, hein, c'est ça? Non, à moins que le parti, finalement, ait pas présenté personne puis que le parti existe encore. Mais j'ai essayé de chercher puis j'ai pas trouvé rien. Ah, bizarre. Mais peut-être que la prochaine fois, l'Alliance et solidarité entre générations va recruter des vedettes. On sait pas, des candidats vedettes comme Martin Léon. Ben, c'est ça, il devrait être le chef, en théorie, c'est lui qui... Ben, il n'y a pas vraiment... Ben, c'est lui qui a fondé ça, mais ce qu'il veut, c'est que le but, c'est pas d'être au pouvoir, mais plutôt de donner une tribune à la population et aux artistes. OK. Donc, c'est le but, je vais vous présenter, en fait, une des chansons les plus marquantes de Martin Léon, Félicie. Ouais, on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Après ça, on revient et puis on se dit un petit au revoir. Félicie, Félicie, Félicie. Je ne sais pas comment te dire ces mots. Je t'aime et je te veux, Félicie, mon amour, ma chérie. Et de peur que tu veuilles t'enfuir, on va valser encore un peu. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hallelujah. Félicie, Félicie, Félicie. Je vois très bien ce qui t'attire et fait de vous des amoureux. Félicie, mon amour, mon ami. Il est très bien et comment dire, je vous aime un peu. C'était Martin Léon avec Félicie. Ouais, et ça finit ici. Oh! Et oh. Félicitations. Félicitations. Ah! Bravo, François, tu me bats. Wow, je sais pas quoi dire. Non. Fait que je dirais rien. Tu fais bien. David Ferron. Ah, merci, chronique. David. Sa chronique est de retour tous les mardis à 8h30. C'est la langue dans ton oreille. Oui. Et donc, tout le condensé de la meilleure de la culture francophone sur les ondes de Cifou 89.1 FM grâce à nos deux amis François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Comme un laser. Ça. Mais là, cette semaine, j'ai pas dit que vous étiez sensuel. Non. Ah, oh, écoute, ça va venir. On a toute la session. On va travailler là-dessus. Pour essayer d'être assez sensuel pour atteindre les... Allez voir La Vie d'Assemblage, La Vie de Croiseur d'Assemblage Requis. Jeudi, passé en podcast. Oui, sur le site assemblagerequis.com. Tu fais bien d'en parler, David, parce que sur assemblagerequis.com, vous allez retrouver tous les liens d'émission d'aujourd'hui et les balado-diffusions de chaque émission. Et demain, à l'émission, François-Olivier, qu'est-ce qu'on a? On a, entre autres, les moments de la semaine passée d'Assemblage Requis, un instant classique. Aussi, à l'émission, on va avoir... Attendez un petit peu, je vais vous trouver ça. On va avoir Angélie Durocher qui va être avec nous pour sa chronique culturelle à 7h45. Puis à 8h, Jasmine Raymond-Lainville qui va nous parler de tout ce qui se passe à la GEQTR. Restez sur nos ondes pour l'émission Le Dîner de Con à 11h avec Danny Janvier. C'est enfin le retour. Yeah! À partir de 11h. Oui, il va vous parler entre autres de faits insolites et je pense qu'il va aborder un petit peu plus de technologie cette année. Donc tant mieux! Génial! Le Dîner de Con à 11h. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission aujourd'hui. Merci! Une bonne première, ça fait du bien. Oui. On s'en remet dedans. Et puis écoute, on est là demain, on est là jeudi. Et après ça, on revient à la normale. partir de lundi. Lundi ou jeudi, 7h à 9h pour Assemblage Rocky. Merci David Ferron. Merci David. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci Mathieu beaucoup, Plante. Les gars. Merci Michel Lebrun. Merci Sébastien Dulude. Passez une excellente journée. Bye bye. Bye.